بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قبل أن نبدأ في التدريبات أسألك عن الكلمات. الدرس السادس إلى الثامن du 6 au 8, c'est ça ? طيب عمارات، ما معنى عمارات؟ شقق. شقق في الجمد الشقة للإيجار. نعم. مبنية الطراز الحديث. الإعلانات الخالية. مكاتب عقارية. أجنس موبيليا. مطبخ. راغبة في. متفاوت. متفاوتة. أتوس بيزار. Non, justement, il n'y a pas d'alif. C'est ça qui est bizarre, il n'y a pas d'alif. Mafroucha. Ameublé, ameublé. Ikhtalafa, ikhtarifu. Différent, quoi. Différent, on avait dit. Ça peut être divergé, non. Voilà. Assafa, you assithu, bitha. Ameublé. Ameublé. طيب صحية. Sanitaire. ضوء. Lumière. C'est quoi la différence entre ضوء et نور? ضوء c'est peut-être non je sais pas. وجعنا الشمس ضياء والقمر نورا. Le ضوء c'est une lumière qui dégage de la chaleur. Et نور c'est une lumière sans chaleur. Comme le ضوء c'est la lumière du soleil, il y a une chaleur qui va avec. Et نور c'est une lumière. Maintenant, tu peux mettre l'un sur l'autre, mais quand les deux viennent, il y a une différence entre les deux. Atolle yutillu. Montrer une vue, non, c'était quoi déjà ? Comment dire ? Atolle yutillu. Comment dire ? Yada yutillu ala maidan. Wasi'a. Ça donne vue. Voilà. Un maidan. Une place publique, ça peut être aussi un point. Attila. La peinture. توقيع. Signature. العقد. الأثاث. الأثاث. المبل. محكمة. محكمة. Là on avait dit que c'était hermétique. طيب أسئلة maintenant. طيب الأول. على ماذا تطل الشقة؟ الشقة تطل. ترجم جملتك بعد هذا. Tu l'as lié, tu l'as tarjam. Ah, bah j'ai mis directement. Ala Maidani wa Asirin. Sur une place grande, une grande place. Kayfa ghurafuha. Hiya wa Asiratu. Elle est large, grande. Spacieuse, naam. Mada yaf'alu idha nasabathu ash-shiqqa. Directement يذهب إلى مكتبي لتوقيع عقدي الإيجاراتي. لتوقيع العقدي الإيجاراتي. لا شبابي ده الفلم بور عقدي. طيب أحسنت. توقيع عقدي. ترجم. Il va aller au bureau pour signer son contrat. وعليكم السلام. Signer son contrat de les modalités de contrat. Location. Ah oui. متى يتسلم المفاتيح؟ بعد توقيع العقد. C'est-à-dire, ترجم. Pardon. Après la signature du contrat. كيف ألوان حائط الشقة؟ Comment sont les couleurs du appartement? J'ai pas mis les harakat. Je sais pas si c'est badi'atun. Badi'atun. Non. ماذا قال صاحب المكتب العقاري عن الأبواب؟ قال أنها جميلة. هل يستطيع أو يستطيعان عمل كل ما يريدان في يوم واحد؟ لا. تفضل. ماذا فعلا في تلك اليوم في ذلك اليوم؟ فعلا إجراءات إجراءات العيد. العقد جميلة. إجراءات العقد في هذا اليوم. Donc ils ont fait les modalités de contrat ce jour. متى يشتريان الفراش؟ غدا. إن شاء الله. Ils n'ont pas dit إن شاء الله en plus, je crois, non? Ah, non, j'ai oublié de faire le tambi là-dessus. ولا تقول ولا تقولن إني فعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. Il ne dit pas je ferai telle chose demain. Sans dire Inch'Allah. Et Souleyman alayhi salam avait fait l'intention de faire le tour de toutes ses femmes en une nuit. 99 femmes. Avec l'intention d'avoir qu'elles aient les enfants de chacune d'un guerrier fils Abilillah. Et il n'a pas dit Inch'Allah. Donc une seule d'entre elles a enfanté d'un enfant qui était mal formé. Du fait qu'il n'ait pas dit Inch'Allah, alors qu'il avait une bonne niya. C'est là que tu te rends compte, quand tu vois les fardalis qu'il y a en islam, que les gens vont chercher des records, s'entraîner, faire takalluf, des choses qu'en islam qui ont été accordées comme ça à des gens, min fardalillah. La Salen, Souleyman, quel être humain aujourd'hui arriverait à faire cette chose-là? C'est inhumain pour nous. Des gens font des concours de chant, des voix, je ne sais quoi. Abou Moussa Ash'ari, il a eu une voix parmi les Awamil de Daoud. Une voix magnifique. Et Daoud, il avait une voix magnifique. T'avais Abdullah, je ne sais plus comment il s'appelait, Sahabi, qui courait plus vite qu'un cheval. Aujourd'hui, ils font des courses, compétitions pour courir. Ils s'entraînent, ils se blessent. Un Sahabi, sans s'entraîner, courait plus vite qu'un cheval. Ils auraient tous mis derrière lui. On avait Safina. Sahabi s'appelle Safina, qui est envoyé avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique par Cheikh Mokbil, authentifié par Cheikh Mokbil, que tous les sahabas étaient en voyage avec leurs appareils, leur équipement de guerre. Ils avaient du mal. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un doigt à Safina. Et il s'est mis à tout porter sur lui. Et il dit, je prenais 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire tout ce que portaient les sahabas, chacun d'entre eux, prenait tout sur son dos. Et il dit, si j'y avais encore, j'aurais continué. Je ne fatiguais pas. Et quand le Nabi sallam, il n'a qu'à la Safina. Il a appelé Safina. Parce qu'à la base, Safina, c'est un gros bateau qui porte des choses. Tu vois. Et il dit, je portais tout ça sans me fatiguer. C'est qui portait tout. Aujourd'hui, ils font des concours de force. Ils soulèvent des poids, ils font, je sais quoi, l'haltérophilie ou je sais quoi. Safina, ils vous auraient tous mis par terre. Combien de choses comme ça qu'il y a eu? Les Sahaba, le courage qu'ils avaient. Ali, le courage qu'il avait. Omar, le courage qu'il avait, lorsqu'il s'est soumis à Allah, il est parti voir pour dire je me suis souvi. Et après, il s'est mis à se débattre avec eux. Aujourd'hui, on se cache. Allah, qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, ils viennent, ils font la shahada, ils se cachent. Non, ma barbe après, mon kamis après, ou la salade, je me cache, j'attrape le soir, je parle mon patron. Omar, il a affronté les gens de Quraysh dans une place publique. Il leur a dit venez, faites-moi ce que vous avez envie de me faire, je vais me défendre. Combien on a d'hommes comme ça? Ils font des concours de beauté. Youssouf alayhi salam, Nisr al-Jamal. La moitié de la beauté. Ça, c'est Ibad Allah. Allah leur donne des choses que les koufars, ils se battent pour avoir. Et Allah leur a donné ses serviteurs sans qu'ils les demandaient. Comme on a pris dans le Kitab Tawhid. Allah lui a accordé telle vertu, telle fadl, telle chose. Chose qu'eux n'arrivent pas à faire. Khalid ibn Walid, dans la guerre de Al-Mouta, 19 épées, 9 épées il a cassé en se battant. 9 épées. T'imagines un combat, 9 épées. Déjà, rien qu'un combat aujourd'hui avec une épée, allez, on va dire un fleuret comme ils font en escrime, t'es fatigué au bout de je sais pas combien de temps. Là, c'est des sabres qu'ils avaient avant. Je sais pas si tu vois le poids. Il se bat avec et il le casse. Il en casse un. Il en prend un deuxième. Il casse le deuxième. Il en prend un troisième. Il casse neuf. C'est des épées yéménites qui étaient très cowies. Tu la casses. C'est pas seulement elle est tombée, tu la pètes, t'en prends une autre. C'est, il l'a cassée. Là, t'imagines comment il devait taper dans l'ennemi, la force qu'il devait avoir. Et en plus de ça, Allah leur a facilité de pouvoir sortir de leurs ennemis qui étaient 300 000, alors qu'eux n'étaient que combien? J'ai oublié combien ils étaient. 3000 ou je ne sais plus combien. Face à un ennemi qui était entre 100 et 300 000. Et Rome. Ça a été une victoire. Ça a été appelé Al-Fatah. Ça a été appelé Al-Fatah. Non, Al-Fatah, c'est la conquête de Mecca. Mais ce jour-là, dans le hadith qui est venu, authentique, dans le Bukhari, ça a été appelé Fatah. C'est-à-dire que c'était une victoire en réalité. Car sortir un si peu nombre face à 100 ou 300 000 adversaires, tu sors indemne avec ton bataillon. Mais ça s'appelle une victoire, ça arrive. Et hada min Allah. Kulu hada min Allah. Donc, soit les gens ils cherchent des forces, des exploits et des records dans des choses qui sont absurdes, que là, accorder ses serviteurs dans des choses qui sont utiles. Et sans takallouf. Sans takallouf. Adachi Ajib. Parmi les vertus, justement, les mérites de l'ibada. Que Allah t'élève au-dessus des gens. Et regarde bien comment les ulama ont été honorés, que leur nom, jusqu'aujourd'hui, est cité en bien. J'imagine le nombre de fois on dit Rahimahullah, quand l'imam Bukhari, Rahimahullah Ta'ala, quand l'imam Muslim, Rahimahullah Ta'ala, quand l'imam Shia Islam, Rahimahullah Ta'ala, quand l'imam Ahmed, Rahimahullah Ta'ala, tous leurs noms. Un millénaire est passé, leur nom est cité, tous les jours, avec un doa pour eux. Que dire des sahaba avant eux? T'as des gens, ils ont fait des choses, on les connaît même plus. Des rois parmi les koufars, avec des royaumes, on ne sait même plus qui ils en étaient. Des fois même, ils sont obligés d'inventer des rois pour avoir une gloire. Donc, on avait tel roi, il a fait telle chose. Ah ouais, c'est qui ce roi? Je ne le connais pas. Tu trouves que dans les livres de contes de fées, je ne sais pas quoi. Personne ne le connaît. Ou alors, s'il y a vraiment eu un roi chez eux, il manque sur lui, il a fait tel. Alors qu'il n'a même pas fait pour que son nom soit cité encore en bien. Des choses, il a fait telle chose. Ça se trouve, c'était un grand peureux, il n'a rien fait du tout. Et après, les gens, pour le gonfler, ils vont monter sur lui. Donc, c'est une statue à son effigie, une fête à son effigie, un lycée qui porte son nom, une place qui porte son nom. Et en fait, ça se trouve, c'était un gros djabban. Un gros zalim. Et ils font tous les coups pour pas qu'on les oublie. Alors que le musulman, il n'a pas cherché. Il a fait ça pour Allah. Elle a fait qu'on ne l'a jamais oublié par la suite. Allahu Akbar. Par Ibn Wasim. Dernier. Mata yuwaqi'u Mustafa al-Aqd. Mustafa? Je dakhala. Mustafa, il n'a rien à voir dans l'affaire à la base. Il est musulman de ce qu'il ne regarde pas. بعد هذا الثالث مثل les mots, c'est ça? Non. Attends, je t'ai dit oui, mais on l'a déjà fait. On les fait ensemble? Ouais. T'es sûr? Attends, il me semble qu'on l'a pas fait celui-là. Ah non, je suis pas dans la. الثالث لا كان في البيت مما اذكر. املأ الفراغات بالجمل الآتية en mettant les mots à la place. Page 78. Chef. Ouais, voilà, je devais faire cela. Okay. Ikram Bachara ou Tarjim? Sauf Anashtari, Radan El Firash, Inch'Allah. Donc c'est Radan qu'il fallait mettre. Alors on va acheter demain. Ou même pas, on a traduit hier déjà, donc tu peux. Tamshi. Inna Jadiran, Jidran. Jidran. C'est le djinn de Jidar. Qui est le mana Hayat, c'est un mur. Inna Jidran. جدران الحجرتي حسنة حسنة الألوان نعم que les murs de les pièces sont de bonne couleur. الآن سنستطيع اليوم توقيع العقد. On ne pourra pas signer le acte aujourd'hui. نعم. إذا ناسبتكم هذه الشقة نذهب إلى المكتب لتوقيع العقد. سنكمل إجراء العقد الآن. نعم العقد لا دون سكيمة العقد. رابع سقط تدي. إذا نعم. سادس. إن الشقة إن الشقة تطل على ميدان واسع. طيب نست تطل. Ensuite le سادس. سادس. Posez les questions, on répond. تطل الشقة على ميدان واسع. على ماذا تطل الشقة؟ نعم شو quoi donne la vue de l'appartement. سنوقع عقد الإيجار الآن. متى ستوقعان عقد الإيجار؟ عقد الإيجار. نعم. quand est-ce que vous allez signer contrat de location؟ ثالثا نعم الأبواب والنوافذ محكمة. هل الأبواب والنوافذ محكمة؟ وهل هما محكمة؟ Là, c'est parce que Houma, parce que là, c'est Abouab et Nawafid. C'est plusieurs portes, plusieurs fenêtres. Hel, Hia. Non, non, tu lèves, tu le répètes, tu dis Hel, Abouab ou Nawafid, pour Kamaton. Parce que le domir, tu peux mettre un domir avant le nom que tu définis par la suite. Rabi'an, Hadihi, Mahallatu Bey'a El Athas. Ma Hadihi. Khamisan, Sanouk Milu Ijra'at El Agd. Mata Sanouk Milan. C'est quoi là? Tu as mis la question? Quand est-ce que vous allez finir? C'est quoi ça? Mata? Il n'a pas de temps là. Il n'a pas dit Raden ou Badrad ou Barsa. Ah, attends, parce que je l'ai écrit directement dans mon dossier. La question c'est le prix de Jura Atil Akhdi. Mada Tafal. Ah, ouais. Mada Tafal. تفعلان نعم سنكمل إجراءات العقد. Qu'est-ce que vous allez faire? نعم. طيب maintenant tu vas lier les phrases des deux colonnes. تفضل إكرام مباشرة مترجم. إنها شقة جيدة أبوابها ونوافذها كبيرة. نعم. Alors c'est un bel appartement. C'est porte. Ses fenêtres sont grandes. Naam, ahsant. Ensuite, سنذهب إلى المكتب لتوقيع عقد الإيجار. Naam. On va aller dans le bureau, dans l'agence, pour signer le contrat de location. Ensuite, أريد أن أشتري الأثاث المناسبة. J'ai envie d'acheter les meubles appropriés. نعم. لن نستطيع اليوم شراء كل هذه الأشياء. On va pas pouvoir aujourd'hui acheter. On va pas pouvoir faire l'achat de tout ce qu'on doit. Toutes ces choses. Le dernier. لنكمل الآن. 5. لنكمل الآن إجراء العقد. Là justement ce lem là c'est pas le même que là c'est le lem al-amr, là c'est un jazim. Là c'est pas le lem ta'lil, le sens de pour. Là c'est un ordre qu'on se donne. Ah, que nous fassions cela. Ah, ouais. C'est cool, il y a Fulen, Esh, il y a cool. Il y a Tissa Hibok, il rentre dans la pièce, je te dis à toi. Salen, Liyah Rouge Hayada, qui sorte lui. Liyah Rouge. Je ne parle pas à lui directement. Ah, ouais. Mais tu peux le dire même à toi, Liyah Rouge. C'est le même sens que Ukhruj. Il peut dire, aïe, l'état rouge. Il sort, c'est un lem amr, ça s'appelle, Inch'Allah, ça va venir, parmi le hurouf al-jazm. Le figure qui vient derrière les majzoum, avec une soukoun ou ce qui remplace la soukoun. Ça va venir dans la jurumiyya, Inch'Allah. Le kalimat, dans les phrases. Al-Athas, Dhaw, Maidan, Anha, Atalla, Al-Abwab, Al-Nafidha, Al-Lawn, Muhkamatun. Je voulais dire qu'on a visité ces Zurna. زورنا شقة أمس. شقة. شقة أمس. كان جميلة. كانت. كانت. كانت. كانت جميلة جدا. الأبواب. الأبواب كانوا. لا. كانت. سان جمع العاقل. الأبواب كانت جميلة. والنافذة. Alors ça, je sais pas. Morkama, je والنافذة محكمة. ولما تدخل تطل على الميدان. Quand tu rentres, ça te, ça t'a une vue sur le, sur le Meidan. Ensuite, Waddou ou Shemsi. J'ai mis Yatrol. C'est Tatrol ou Yatrol? Yatrol. Waddou ou Shemsi Yatrol. Minha. Fiha. Fiha. La lueur du soleil rentre. Alors, après un point. Al-Lawn Kana. طيب كذلك طيبا كذلك اللون كان طيبا كذلك مصطفى du coup j'ai appelé مصطفى mais qui ne passe tout seul dans son coin مصطفى ah oui انها مصطفى انها الاجراءات اليوم في الصباح اظن انه الان عنده الاثاث التي أراد أن يشتري أمس. التي أيوة. أراد أن يشتري أمس. أراد طيب. أن أراد أن يشتريها أمس. لها يعني التي. عندها الأثاث. أيوة. التي أراد أن يشتريها. À la base, des fois, tu peux l'enlever, mais là-bas, c'est qu'ils sont présents. Salam alaikum. Tamam, Arsène, t'as. Bon, je sais qu'Allah au khayyara.